libre dans un pays de liberté. Pouvoir avancer, yeah, en communion dans cette mixité. Je veux être libre dans un pays de liberté. Être fier de ses couleurs et pouvoir m'y draper. Hollande, que se passe-t-il dans la rue sur le macadam? Des armées de pompiers viennent pisser sur la flamme. Les bureaux de vote en 2002 ont pris feu. Les bourreaux se préparent à investir les dieux. Les sondages de Babylone nous ont tous bernés. Le résultat ne correspond pas à la finale annoncée. Allez leur dire qu'on ne peut pas croire à aucune de leurs têtes, car il semble qu'on ne vit pas sur la même planète. La jeunesse française se levait d'un même élan, et dans beaucoup de villes elle avance tel un géant. Ce colon s'est décidé à faire la révolte, ça se larme le vote. Je veux être libre dans un pays de liberté. Ah oui. Pouvoir avancer, yeah, en communion dans cette mixité. Je veux être libre dans un pays de liberté. Être fier de ses couleurs et pouvoir m'y draper. C'est temps de 0-0-2, et au deuxième tour que vont se jouer les jeux. Dans son royaume d'aveugles, le roi croit attiser la flamme avec ses discours en bois. Il demande calme tout haut, qui n'est pas raciste. Peut-être qu'est-il aussi le meilleur des dentistes. Et si le pouvoir repasse aux mains du côté dark, faudra une révolution pour trancher la tête du monarque. Je veux pouvoir me reconnaître dans mon drapeau, être fier de le partager, peu importe notre peau. Notre force et nos différences, et l'équipe de France n'est-elle pas un symbole d'un pays qui gagne et avance. Je veux être libre dans un pays de liberté. Pouvoir avancer, yeah, en communion dans cette mixité. Je veux être libre dans un pays de liberté. Être fier de ses couleurs et pouvoir m'y draper. La bête est féroce et a survécu, mais au deuxième tour, ouais, elle fut abattue. Et même si l'histoire ne s'est pas répétée cette fois, il faut veiller à maintenir fermé le cadenas. Car si la xénophobie sort et sème ses graines, la récolte alors ne pourra être que vilaine. Une race qui se croit supérieure a le don d'être une race qui ne sert à rien de bon. Je veux être libre dans un pays de liberté, libre comme ma culture et le pouvoir de m'exprimer. Et si mes phrases apparaissent subliminales, dites, j'emmerde le plus enculé des nationalistes. Je veux être libre dans un pays de liberté. Pouvoir avancer, yeah, en communion dans cette mixité. Je veux être libre dans un pays de liberté. Être fier de ses couleurs et pouvoir m'y draper.